sur les menées belles. On a pleuré de rire au mari du pire. On s'est saoulé à mort pour y sentir la vie. On est monté à bord de mille et une nuits. On est resté debout les pieds dans la boue. On est allé au bout de je ne sais où. J'ai retrouvé mon âme. Mon âme. On a simplement échangé le regard de l'amitié. On a chanté l'espoir du signe de croix. Qu'un peu on peut tout voir de la vie qui nous doit. Et cela sans rien avoir, juste de quoi manger. Juste de quoi boire, de quoi respirer. Et si tout empire, j'ai toujours retrouvé mon âme. Mais un jour on repart, chacun sa vie. Chacun sa part avec ses soucis. Qu'importe quand on est sûr d'être des amis. Si cet amour est pur, il durera l'infini. On se retrouvera toujours dans un coin de nos cœurs. Dans le rythme du jour, dans le parc du bonheur. Et on touchera le ciel, on se l'amènera belle. On retrouvera notre âme.